Libère, mais alors là, totalement. Alors, quand je parle de servir de ces deux semaines-là, c'est extraordinaire parce que ces deux semaines-là vous amènent toute l'énergie que vous recherchez souvent. C'est un peu comme si tu dis, moi, j'aimerais bien ça parvenir à rire facilement. Ça, c'est une thérapie de rire. Dis rire. Rire. J'aimerais ça. Mais t'es pas capable. À un moment donné, il y a une semaine dans l'année où, énergétiquement, tu ris pour rien. Eux passer la semaine à essayer de te contrôler de pas rire, là, puis boire, pas rire, puis essayer de voir ce qui m'arrive, fait un rire. Ridon. c'est sérieux. C'est le temps des fêtes. On peut se rapprocher, on peut pleurer, on peut regretter, mais regretter, c'est de la nostalgie, ça veut dire que tu aurais de quoi pleurer. Est-ce qu'il y en a un? Que l'autre vous a jamais expliqué. Il est jeune encore, l'autre. C'est ça. Il faut lui pardonner. Ah, quand même, quelques milliers d'années, mais... Pas voyez-vous autant que moi. Chaque fois que l'être humain s'améliore, il n'a que s'améliore, ça peut être il n'a que s'améliore. Chaque fois que l'être humain s'améliore, il y a une partie de lui qui est rejetée. Il y a une partie mémorielle, c'est de l'expérience. Par exemple, tu as fait ça, puis à un moment donné, tu commences à te rendre compte, c'est idiot, tu rejettes ça. Mais ça, quand c'est rejeté, là, c'est en dedans. C'est pas sorti, c'est plus toi. Sauf que c'est là, de temps en temps, ça te crie, « T'as déjà fait ça! » Là, je dis là, puis t'as par nous, là, tu sais plus ce qui t'es, puis tu sais pas si ça va revenir, puis t'as peur que ça recommence, mais c'est plus toi, c'est là. Quand on rit, vous pourrez aussi. Mais quand on rit, on rejette une partie de ça. Mais quand on pleure, quand on braille, quand on pleure, là, on en rejette tout un lot. Ça veut dire que là, l'humain est libre, l'humain est bastinatium dans l'antiferme d'école, l'humain est mieux, l'humain est prêt à manger, l'humain a le goût de vivre une fois qu'il a braillé, c'est. Mais sauf que si tu attends, toi, par exemple, de perdre ton enfant pour brailler, c'est bon. Mais, tant qu'à broyer. Sauf que c'est bien mieux de broyer avant de le perdre. Sans en perdre, hein? Pourquoi? Parce que là, en broyant, tu élimines l'expérience que tu vis. Mais tu n'élimines pas l'expérience que tu as cumulée, que tu n'as pas éliminée. À un moment donné, le temps des fêtes, c'est intéressant, on peut se regarder, on se trouve beau, on peut se trouver laid. Plus beau qu'avant, mais laid, on s'entend. Et puis, tu peux louer une cassette de broyage, compter des histoires ou prendre des photos. Avez-vous déjà regardé une photo? Je regarde mon livre de banque, moi, puis je parle. T'as regardé les viandes d'or du bois, c'est mauvais, c'est bon. Ah, ben. Moi, je regarde les miens, puis je ris de toi. Ouais, le Père Noël est riche. Mais, ce qui est important, c'est que les hommes ici, là, puis les femmes. C'est ça, les femmes? Oui. Père Noël, allez-vous pas ça souvent? Bon, vous prenez une photo d'un petit gars ou d'une petite fille. Petit gars pour les gars, tu fais petit pour les filles, pour les femmes. Essayez de trouver ça, ouais, s'il y en a encore, là. Photo d'un petit gars ou d'une petite fille. Petite fille de 6, 7, 8, 9 ans, là. Petit gars de 7, 8, 9 ans, là. Là, faut que cette photo-là, petit gars, la petite fille, là, c'est vous autres quand vous étiez jeunes. Là, vous regardez ça, là. Ça, là, c'est vous autres. Regardez-le dans les yeux, là, si vous regardez. Il y en a, évidemment, les photos vont être un peu noires et blanches, jolies, mais... Non, ben, c'est technologie. C'est vous autres. Ça, c'est très, très bon pour broyer. Ou parce que ça ne reconnaît pas. Ou parce que... Puis toi, ça, là. Tu baisses la main, là. Mais roi est en arrière, là. C'est toi. C'est intéressant. Ce que je dis, c'est qu'il faut se servir de ces deux semaines-là. Je dis deux semaines, là. On ne contredira pas. Moi, je suis pas non, c'est plus longtemps que ça. Hein? Pas une diète, là? Non. Tu as le droit de maigrir un peu, mais ça ne maigrit pas partout en même temps. Mais ça dure-tu deux semaines ou ça dure plus longtemps que ça? Ou? Oh, ça dépend des années. Des bonnes années, des mauvaises années, mais autour de deux semaines. Mais normalement, ça dure à peu près trois semaines. Puis qu'est-ce qui détermine une bonne année? La quantité de broyage disponible. La nostalgie! Nostalgie, c'est extraordinaire! Fait que tu es là, puis tu dois regarder tes cassins, puis tu vas profiter du temps des fêtes pour être capable d'arriver à pleurer, puis de te laisser pleurer, puis quand ça commence, sors les photos, sors les belles penses, les cas, lâche pas, boy, puis après, tu vas être bien. Et prends pas une petite pleurette, moi, là, d'une heure, là. Il est recommandé de prendre beaucoup d'eau. Non, sérieux, pendant le temps des fêtes. Si vous voulez passer, faut être à sec. Faites pleurer à sec. Ça chauffe les yeux, en on se ramasse à l'hôpital déshydraté. On arrive tout à l'hôpital déshydraté. Mais tu quand tu pleures, tu bourres à sec, de toute façon. Ouais, c'est pas long. Et tu peux regarder ton livre de banque. Tu pleures à sec. La photo, là, tantôt, vous faisiez allusion à quelqu'un qui serait décédé. Pas la photo de nous autres quand on était jeune, mais quelqu'un d'autre dans la famille. Ou qu'on, puis qu'on la veut... photo de nous autres et la photo de quelqu'un d'autre. La photo de quelqu'un d'autre qu'on voudrait libérer en même temps. Comment enterrer? Enterrer. Bon. Est-ce qu'après avoir pleuré pendant la demi-journée ou la journée, est-ce qu'il serait bon de détruire ce document-là? Tu peux garder pour Noël prochain au cas. Non, ben, c'était deux photos, le fin finaux. Mais à un moment donné, c'est évident que quand c'est bien, tu peux regarder la photo, deux, trois jours après, tu pleures plus, tu ne penses plus rien, la vie est belle. Détruit. Ça ne peut rien. Et si on garde ces choses-là, ben on s'attache à des manipulations à court, moyen ou long terme, encore pour se faire ramasser. C'est-à-dire qu'on va permettre à ce qu'on a rejeté totalement, à ce qu'on a purgé, de revenir lentement, de recommencer. Fait que si on sent que c'est totalement éliminé, on va tout aussi bien de se débarrasser de la forme physique aussi. C'est évident. C'est évident. Maintenant, c'est sûr que quand je le rencontre, puis tu me fais broyer. Quand je suis broyé, je ne me débarrasse pas de lui. Des limites. La photo, tu aimes cher, pas de problème. Mais, ils ont fait toutes sortes de thérapies. Dans le passé, ils disaient, plus un médicament mauvais, meilleur il est. C'est sûr, il est petit broyassé en prenant ça que pleurer, ça guérissait le médicament. Mais vous, là, c'est une théorie, c'est une théorie. C'est pas probable. Vous, là, existez-vous? Autant que toi, en tout cas. Vous êtes né où? Pas né. Vous êtes jamais né? Non. Puis où vous restez? Le Père Noël! Où je reste? Ben oui, j'aimerais ça aller faire un tour. Il faudrait qu'il en parle avec Mère Noël avant. Ben jaloux. Il faudrait en parler à la baie du monde. T'es rien là-bas. Non, c'est cool que ça t'explique. Vous vivez pas tout seul? Ouais, mais c'est une grosse gang. Non, le Père Noël, bon, on va l'expliquer, OK. Là, c'est... je pas mieux de parler de ça, mais... Ben, c'est un secret. Ouais, effectivement. C'est un secret. Je vais vous parler du secret. Ce secret-là, je le révèle pas, parce que c'est un secret. Non, mais le Père Noël, il vient de bien loin. Probablement, moi, j'habite pas la planète Terre. Et ce que je vous dis là, c'est aussi sérieux que le bleur. Il est sérieux. Énergétiquement, il y a toute l'affaire au complet. Il y a des choses qui se passent à la planète Terre sans arrêt régulièrement. Il y a, là, par exemple, la vue du Père Noël. Le Père Noël n'est pas là seulement faire la publicité pour Coke. Pour passer des jouets, puis se faire courir après. Le Père Noël, il est là pour d'autres choses. Le Père Noël, c'est une énergie. Une énergie que moi, j'ai décidé de ramasser. Tu sais, je me suis dit, il va me servir de ça. C'était le Père Noël, là, ça vient, c'est une mécanique intéressante. Moi, c'est moi, dessiner ça. Et je pense pas que toi, tu vas être capable de comprendre. Mais si tu veux me donner mon adresse, le transport, c'est un jour. Bon! Le vaisseau, il n'y a pas de place pour moi, non? C'est pas un vaisseau comme vous avez. C'est plutôt un... Tu sais, je le ferai pas, là, parce que c'est une conférence. Mais, à un moment donné, là, puis là. Comment veux-tu faire ça avec un autre? Pas bon. Tu sais, là, il reste en bas. En tout cas, bon. Bon, la Terre, regarde, la Terre est ici. C'est pour ça qu'il peut voir, là. Non, je vois pas. Il a fait un point. J'ai tout compris. C'est une planète. Bon. Là, il y a un soleil. Éclaire la Terre. Là, il y a une galaxie. Mm-hmm. Elle cherche un vaisseau. Je vais dessiner l'hélice. Galaxie d'Andromède. Non, la Voie lactée. Andromède, d'ailleurs. Andromède, c'est personnel. C'est de là que je viens. Mais la Voie lactée. Et puis, ça tourne, cette affaire-là. Ça tourne. Ça prend à peu près 20 millions d'années pour faire un tour complet. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a donc des années galactiques. Mais le centre, ici, là, le centre, ça ne tourne pas aussi vite. Puis le centre, il émet des faisceaux. Ça, c'est des faisceaux, ça fait des Facebook. Là, vous voyagez là-dessus, ou? Non. Laisse venir le phénomène. Faut-tu pas t'asseoir à un faisceau, puis t'en aller, là? Tout ça peut. À l'infini. Tu peux, mais c'est pas plaisant. Un faisceau quand t'as... En tout cas. C'est bien sûr. Équipé, tu sais, des pilotes de tôle. C'est un voyage aller seulement, le faisceau, il revient pas. Non, ça revient. T'as jamais voyagé, là? Alors, il arrive tout simplement, c'est qu'à toutes les X années. Mais évidemment, il arrive que... Ben oui, mais Noël, c'est une fois par année. Non, un instant. Pense que je ne t'amènerai pas. À toutes les X années, probablement à toutes les quelques millions d'années, la planète Terre et son Soleil traversent une partie de la galaxie où il y a une émission de faisceaux très attirés d'énergie. Je parle faisceau, je parle énergie. Ce n'est pas des bons termes, on est télépathe. C'est pas télépathe. Bon. Alors, il y a des faisceaux. Quand le soleil, la Terre passe là-dedans, l'humain a une tendance à se conscientiser. L'humain, subitement, il voit mieux parce qu'il y a une activation neuronique à travers les rayons cosmiques qui proviennent du foyer central de la galaxie. Puis l'humain a une vision différente. Dépendamment des génétiques, ça crée des mutations neuroniques. C'est ce qui fait en sorte que, présentement, l'humain se conscientise puis qu'il va avoir la naissance d'une sixième race mère, selon les écrits ésotériques de Madame de Blavatsky. Bon. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a énormément de particules de poussière dans la galaxie, mais des régions où ça libère. La planète Terre tourne autour du Soleil. Une chose que je savais? Oui, mais là, ça ne me dit pas plus où vous restez. Là. Non, je ne peux pas en rester. Moi, je peux en expliquer c'est quoi l'énergie. OK. Hey, tu m'as posé toutes questions en même temps. Je réponds une à la fois, moi. Bon, moi, je reste tout de suite, là. Mon adresse, là... Ah bon. Tu vois, il y a une grosse boîte jaune à côté. Facile. Je dois me tromper. Je reste pas loin. Et mon voisin s'appelle Adèle. Adèle. Oui. Bon. Si tu me trouves pas, m'envoie Adèle. Tu diras, Père Noël, t'es un coin? Ils vont dire, oui, pas de problème, je vais t'expliquer ça. Ben, son recevant, oui. Ça veut dire que le voisin, ouais, c'est ça. Ben, j'ai des serviteurs. Il y en a un qui s'appelle Morin, l'autre s'appelle David, tu sais, mais c'est des serviteurs. Je vais demander d'autres aussi, ils vont t'expliquer ça. Bon. Ce qui arrive, c'est qu'une fois par année, ici, on a des faisceaux, ce qui fait que là, présentement, on est dans un paquet de faisceaux, là, parce que vous sentez ça, tout le monde, là, ils ont plus de cheveux. Il y a des faisceaux qui viennent acheter des neurones, puis l'humain se conscientise un peu, c'est correct, ça, ici, ça se produit pas tous les 20 millions d'années, un peu plus que ça. Bon. Maintenant, ce qui arrive au niveau de la Terre, c'est la même chose. La Terre tourne autour du Soleil, et puis en fonction de la position de notre Terre et de la position du Soleil ici qui est au centre, il y a une émission solaire de faisceaux qui font en sorte qu'à certaines périodes de l'année, l'être humain commence aussi à vibrer au niveau de son système astral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il vit au niveau de son système neuronique, ça veut dire qu'à toutes les 20 millions d'années, il y a des humains qui deviennent intelligents. C'est le temps, profitez-en. Et puis, à toutes les années ici, l'humain se met à vibrer au niveau de son système astral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de sa psychologie, de son émotivité, il commence à être en stimulation. Bon, pour une fois que ça stimule ailleurs que... Bon, il est en stimulation. L'humain est en stimulation, c'est ce qui va faire en sorte que ça vienne. Le Père Noël, il vient de où, lui? C'est bien simple. Énergétiquement, le Père Noël, il vient de l'énergie solaire d'un être solaire. Pour moi, c'est là. Bon. Mais le Père Noël, il vient du soleil et il vient réchauffer. On parle évidemment de où Santa Claus, là, le chemin qui m'appelait les autres, tu sais, Santa Claus, là, mais c'est resté dans la tradition, c'est un bonhomme qui vient d'une autre planète, il vient du soleil, puis c'est les énergies du solaire ici qui viennent réchauffer les particules astrales, le corps astral de l'humain, ce qui va l'amener à une émotivisation plus prononcée de son expérience existentielle. Ça a-t-il un rapport avec le fait que c'est dans les journées où est-ce qu'il y a le moins de soleil, justement, physiquement, en tout cas, parce que c'est les périodes les plus courtes de l'année en termes de... de temps de lumière du jour. Non, ce qu'il faut comprendre, dans un système planétaire, il y a du soleil à la journée longue. Couché. La Terre, ici, est entourée d'une atmosphère. C'est ça? Mm-hmm. Le soleil, lui, éclaire la Terre, puis les rayons solaires sont diffusés dans l'atmosphère. Et puis la résultante solaire reste même si la Terre passe des nuits et des jours, ce qui fait que la longueur de la journée n'a rien à voir avec la descente du Père Noël. Est-ce qu'il y a un rapprochement entre Merlin et le Père Noël? Ah, ouais. Moi, c'est votre grand chum, ça? Non. Il est tout petit. Merlin. Merlin. On l'appelle Ticasse. Mais seulement des réunions privées. Pas public. T'es tout plein d'une bonne question. Je suis stimulé le Père Noël. Tout plein d'une bonne question. Mais, pas assez. Ah, il y a des questions. Des secrets, des secrets. C'est quoi le rôle du Père Noël? Le rôle du Père Noël, c'est uniquement de permettre à l'astralité humaine, c'est-à-dire au contexte spirituel planétaire, d'être capable de supporter à un moment donné de la nouveauté, des stimulations qui ne font pas partie de ce qui est prévu par le rituel des religions. Ça veut dire que quand tu vas à l'église, quand tu vas dans les religions, quand tu pries, tu n'as pas la même stimulation que pendant le temps des fêtes. Le Père Noël, lui, c'est une dent. À un moment donné, l'humain il commence à vibrer, l'humain il dit crime, c'est Jésus qui revient, c'est Jésus qui revient. Mais Jésus qui n'est pas tourné, c'est le 25 de décembre. Fait que c'est pas Jésus. Fait qu'à un moment donné, ben, il faut que l'humain, les grands prêtres, du monde brillant là-dedans, adapté aux terres. Là, ils se sont dit, il faut canaliser ça. Fait qu'ils ont canalisé ça vers moi-même. Ils ont canalisé ça vers le personnage. Fait que le rôle du Père Noël, c'est uniquement d'absorber l'ignorance de la majorité des personnes dans différentes religions, surtout les religions judéo-chrétiennes, d'absorber leur ignorance. Et de dire que si t'es heureux, heureuse, c'est parce que le Père Noël est là, Jésus qui va naître, mais écoute, ça fait déjà près de 2000 petits Jésus qui naissent, là. Bon, mais le Père Noël, son rôle fondamental, c'est d'absorber toute la bonté de l'humain parce que l'humain ne peut pas la supporter. Un exemple. Est-ce que papa t'a donné un cadeau à Noël? Mais non, c'est le Père Noël. Papa, t'en donnes pas de cadeau. Maman, t'as donné un cadeau? Ben, c'est le Père Noël. Parce que les parents ne sont pas capables de vivre aux enfants. Et les voisins, la même chose. Le Père Noël va donner des affaires, les compagnies, etc. C'est le Père Noël. Tout est caché sur le Père Noël. Le rôle du Père Noël, c'est d'absorber l'ignorance des religions, l'ignorance du contexte judéo-chrétien. Parce que lorsque l'être humain commence à vibrer quelque chose d'intéressant, il va en passer, il place ça dans des crucifix, dans des symboles. Le Père Noël, c'est un bon symbole. Il en ramasse. Là, il y a des années, une grosse bedaine, des années, petite bedaine. C'est le Père, ce que le monde a donné. Puis Merlin, Merlin, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Pendant ce temps-là. Parce que le Père Noël, ça a l'air d'une couverture. C'est une couverture, le Père Noël. Est-ce que le Père Noël récupère de l'énergie pour que Merlin puisse retourner d'où il vient? Est-ce que le Père Noël sait, Merlin, qu'il récupère de l'énergie? Ouais, ben c'est ça. C'est que le Père Noël, tout à l'heure, j'ai dit que je bénéficiais de cette énergie. Le Père Noël, c'est ça. Il ramasse de l'énergie pour qu'il puisse s'en aller. Donc, un jour, il n'y aura plus de Père Noël. Ça veut dire qu'à ce moment-là... Le Père Noël! Ça veut dire qu'à ce moment-là, on sera capable de supporter nous-mêmes le bonheur. Évidemment, oui, il y aura suffisamment d'êtres humains qui vont être capables de dire aux autres. Ça m'arrive de temps en temps, j'en sais que du monde, mais là, le temps des fêtes, là. Puis un gars, une fois, puis une femme qui vient me voir, puis qui me disent, tu sais, moi, là, j'ai été dans un pays développé, là, puis j'ai découvert qu'il y avait du monde qui était pauvre, là, puis je demandais à ma compagnie là, de ramasser un peu des bebelles, tu sais, puis de leur envoyer ça là-bas. C'est pas pour les aider, c'est parce que le monde en compagnie, là, ils vont tout à fait être le boss, ils vont penser que le boss est humain, puis... Fait que là, moi, faut que je l'arrête, il faut que je dise, écoute, toi un peu, là. Tu es un bon gars, OK? Tu fais ça parce que t'aimes le monde. Puis là, t'es en train de te planter des maudites pipes pour me faire croire que tout est un gars mental, un gars au-dessus de ça, puis que c'est un gars qui est stratégique dans les affaires. T'es un hostie mental. Je dis pas hostie quand je parle, t'sais. Mais, c'est bien important. La majorité des personnes ne sont pas capables de supporter le fait qu'ils sont fondamentalement du bon monde. Ici, le monde, là, ils veulent toute la même chose. Ils veulent la paix, tu sais, ils veulent avoir une forme de sécurité, une forme de prospérité, ils veulent être bien. Et tout le monde, c'est comme ça. Sauf que les individus ne sont pas capables d'accepter d'aimer. Il y a du monde ici, c'est des hommes, ils aiment leur chum, d'autres hommes, pas homosexuellement, là, ils aiment, c'est du bon monde. pas capable de se serrer la main comme du monde, pas capable de se féliciter, pas capable de se parler, de la misère. Les femmes le font un petit peu plus, mais les femmes ont de la difficulté encore. Les parents avec leurs enfants, bien compliqué. L'enfant, il a 8 ans, tiens, un petit peu. L'enfant, à 14 ans, un petit peu moins. L'enfant, à 18 ans, je ne sais plus. Et c'est tout de la manchure. Uniquement parce que les personnes ne sont pas capables de comprendre que c'est du bon monde. Fait que oui, il y a du monde qui sont. Puis quand on parle d'aimer, il y a eu un charriage, évidemment, lui-même a amené ça à des places très, très, très horizontales. Mais on peut s'aimer verticalement. Et on peut être debout puis s'aimer. L'humain a besoin de comprendre, le Père Noël absorbe ces choses-là, c'est évident qu'à un moment donné, ça va être facile, c'est que le monde, c'est du bon monde. Jamais, j'ai rencontré de mauvais monde. Jamais. Il y a eu du monde. Même ceux qui me couraient après, moi, je courais, t'as maudit. Fait qu'à un moment donné, je courais, puis j'ai rattrapé par en arrière. Puis là, je courais avec eux autres, je m'étais changé. Puis là, je courais avec eux autres, puis là, je jasais avec eux autres. Je voyais pourquoi ils me couraient après. Le monde a peur. Le monde, ils ont peur, fait qu'on pense que c'est du mauvais monde. Mais les gens, là, ils attaquent uniquement parce qu'ils se défendent avant qu'on attaque. Mais il n'y a pas de mauvais monde. J'ai rencontré des prisonniers. À un moment donné, j'ai porté des cadeaux d'une prison. Et ça a duré plus longtemps que prévu. En tout cas, porté des cadeaux d'une prison. Et puis, les détenus qui sont là, sont totalement heureux. Puis là, les détenus qui sont là, la nostalgie les ramasse, puis là, ils voient ce qu'ils ont fait, puis ils voient ce qu'ils... C'est du bon monde, maudit. Je laisserai là, mais du bon monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, étant donné qu'à peu près personne parmi vous, vous êtes capable d'admettre que vous êtes une bonne personne. Puis quand je parle d'une bonne personne, je ne parle pas en fonction des lois morales et du code d'éthique de chevalerie ou des lois. Moi, je parle d'une personne qui accepte d'admettre qu'elle a ce qu'il faut au niveau de ses corps pour raisonner à la stupidité autour d'elle. C'est une bonne personne, c'est ça. Fait que quand quelqu'un est vit dans la pauvreté, tu raisonnes à ça. C'est sûr que tu peux faire ramasser spirituellement, puis te faire manipuler par ta résonance pour essayer de devenir pauvre ou aller en âge. Ils vont rester pauvres, eux autres aussi, devenir pauvres aussi. Bon, sauf que l'être humain, fondamentalement, doit être capable de reconnaître que s'il vibre à ça, il est correct. Mais l'humain, souvent, il va spiritualiser ou il va mentaliser ça. Il va spiritualiser pour l'étouffer, il va le mentaliser pour le tuer. On vous êtes du bon monde, puis on doit être capable d'admettre ça. Ça veut dire qu'on est capable de faire les relations, de faire des unions, de faire des pardons, comme tout à l'heure je disais, de nostalgiser suffisamment pour être capable de laisser le pleur nous envahir, parce que quand on pleure, puis on pleure, puis on pleure, moi je dois pleurer, tabarnouche, je dois pleurer au moins de, plusieurs heures, en tout cas, puis je conduisais en plus à un... Il devait neiger, hein, pour nous autres? Non, il neigeait pas. Non, c'est pas même... Ben, ça, c'est des anges. Ils vont aux toilettes, c'est la chaîne, ça tombe en bas. Puis, des fois, c'est de la pluie, des fois, c'est de la neige. Non, le Père Noël n'a rien à voir avec ça. Pleurer, c'est extraordinaire. Puis nostalgiser, c'est ce qui nous amène là si on se défend pas d'y être. Le problème, c'est que qui ici ne peut pas pleurer? Pas pleurer, tout le monde peut pleurer. Et là, à un moment donné, là, ici, là, cette fille ici, elle commence à pleurer. Elle regarde un film, elle n'a pas rien à faire, elle commence à pleurer. Mais là, le petit gars à côté, là, il est là, le petit gars. Fait que la petite fille, elle se dit, mais il faut pas pleurer. Là, on contrôle ça, les techniques de respiration, c'est là qui servent le plus. Là, le petit gars, là, peut-être aussi, il voit un film, puis il commence à pleurer, puis à un moment donné, ben là, il peut pleurer, puis... C'est exactement comme si on refusait totalement ce que nous sommes. Le pleur, non seulement il purge la majorité de ce qui nous hante, c'est ce qui nous empêche de bouger, c'est ce qui nous empêche d'avancer, et c'est ce qui nous empêche de se rapprocher. Bon. À un moment donné, vous allez voir un chef, où il y a eu un temps où j'ai rencontré Général Patton. À l'époque, il était en Allemagne. Moi, j'avais été porter des cadeaux, là. C'était Noël. Là. Et puis, j'ai rencontré le Général Patton, qui était écrasé dans un coin, il pleurait. Alors, quand le Père Noël est arrivé, évidemment, il était surpris. Là, il m'a dit « Achtung! » Moi, j'ai dit, je comprends pas l'allemand. Fait que là, il a su que j'étais pas allemand, tu sais. Et puis là, on parlait un petit peu. Il a arrêté de pleurer. Et on parlait un petit peu. Il est consolé. J'ai ôté son casque. Puis, j'ai consolé. Le général Patton, il venait de perdre un paquet de soldats. Puis, il broyait. Là, moi, j'ai dit, écoute, ta gang, es-tu au courant que tu broyes toi-même, là? Non, fallait pas le dire. Mais je n'ai vu le général qui pleure parce qu'il y a 3-4 inconnus qui ont été se faire tuer pour rien la veille de Noël. Faut pas que l'armée sache ça. C'est drôle, l'humain. Parce que si le Père Noël, il ramasse les troupes, puis il va leur compter ça, les gens, ils vont tout trouver le général extraordinaire. Mais si les, voient, les gens, ils voient le général pleurer, ils ne sauront plus s'il est extraordinaire. Ça, c'est une histoire qui se compte, qui ne se voit pas. Tu comptes ça, c'est bon. Tu le vois, c'est... L'humain, le pleur, c'est une affaire extraordinaire. Pas broyer pour rien. Là. Je parle pleurer pour vider de la nostalgie, c'est la façon la plus parfaite de purifier une âme, de s'anégoïser, purifier un ego. Puis dans le temps des fêtes, c'est extraordinaire parce qu'on peut faire tout ce que j'ai décrit jusqu'à date, puis le gros morceau à essayer de pratiquer, c'est de s'écraser puis de broyer. On peut être le 25 au réveillon, là. Puis disons qu'il n'y a pas trop de monde qui réveillonne avec toi, là. Alors, ben, c'est pour ta broyer, là. J'ai invité 300 personnes pour ta broyer. Puis le pleur, ça ne se rationalise pas, hein, pour aller dire que moi, je pleure parce que là, je pense à ce qui se passe en Somalie. Et bon, vous dites, écoute, prends une aspirine. Ça ne se peut pas rationaliser le pleur. Mais là, à un moment donné, tu es là avec toi-même, si tu es tout seul, tu es là avec l'autre, encore. Et puis, ou bien tu es là avec ta famille. Puis, tu parles, tu t'expliques un peu avant l'importance de la nostalgisation du pleur. Tu sais, tu achètes 3-4 cassettes. Pour ça du monde, là. Ils comprennent. Et puis, il y a certains moments donnés, dans le temps des fêtes, le 25, c'est 24 dans la nuit, c'est bon. Très bon. Où là, on se regarde, là, petit groupe, là. Puis, on essaie de se monter pour pleurer. Là, on se dit, fais un an encore. Ça fait 8 ans que je te connais, tu sais, un enfant de 8 ans, ou ça fait 25 ans qu'on est ensemble, ça fait bon. Bonjour! Ils s'en viennent pleurer. OK, la personne qui doit sortir avec sa chaise, là. Ah, pas ça, vous êtes chaise. Chaises vides, OK. Mais après avoir pleuré, là. Oui. Ah, bon, excuse. Là, ce qui est important, donc, c'est qu'on parle, on jase, puis on essaye de voir les crottes, les conneries. Des choses qu'on se dit pas. Pas pour arriver à parler plus. C'est ça le problème, c'est que l'humain il spiritualise la babelle. Mais c'est pas pour ça. C'est pour qu'on arrive à pleurer ensemble. Là, on va être ça la même longueur d'onde après. Et là, on a une pleure en famille, là. C'est famille. Là, pour ça, on va être sur la même longueur d'onde. On va vous le suggérer. Broyer en famille. Là, une fois qu'on va broyer ensemble, tout le monde, là. Et là, ça dérange plus qu'on se touche. C'est pas de la libération, t'es désinhibé. Tout pur. Puis là, ben là, on va se coller, on va peut-être avoir le goût de coucher ensemble avec la famille, on va donner le bain. Après ça, ben là, s'il y a des cadeaux, des choses de même, on peut partager, mais ça, c'est pas le réveillon, on devrait faire ça, c'est le lendemain. Là. Ah, mais ça, j'allais dire la fête, là. La fête, ça se fait après la nostalgisation. Qu'est-ce que c'est? Définition, ce que c'est que le fête? C'est avoir du plaisir, puis il y a du mouvement aussi. C'est-à-dire... Et pleurer, c'est le fun! Oui, mais, tu sais... Sérieux? Vous allez vous sentir là, après ça, là, comme après un massage fait par un rouleau compresseur délicat. Vous allez vous sentir relax, bien, mais si vous avez pleuré suffisamment, fêté suffisamment, vous allez être capable d'être plus près, pas des autres, spirituellement, mais les collègues, on a besoin d'énergie et biologique, on a besoin d'énergie vitale, d'énergie astrale pour alimenter nos corps. Alors, ce que t'as de trop puis qui te sert à rien, l'autre n'a besoin. Mais lui, ce qu'il y a de trop qui ne sert à rien, mais tu n'as besoin. Il y a de gens. Quand c'est sexuel, rien à voir. Quand Claude, on abandonne. On abandonne. Les barrières, tu nous appartiens pas. Tu t'as rejeté de toi. Un peu comme, comment ça se fait que j'arrive pas à changer? T'es changé. Oh, il y a un coup. Après ça, tu vas être bien. Tu vas être léger. Alors, on va maigrir psychologiquement, là. Il y a un oreiller ou deux.